France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. En 2006, Sabrina fut découverte à une quarantaine de kilomètres de Paris. Elle a été enfermée pendant 3 ans par sa famille. En 2008, c'est Maria qui fut séquestrée pendant 18 ans par sa famille. En 2009, Jessie est retrouvée après avoir passé 18 ans enfermée dans un cabanon au fond du jardin de ses parents. En 2012, Stéphanie est découverte, réduite à l'esclavage pendant 10 ans au sein de sa propre famille. Et en 2018, aux États-Unis, les 13 enfants de la famille Turpin sont découverts séquestrés au domicile familial. Une histoire très particulière, un voyage en terreur ordinaire. Il faut voir quand même Maud dans le contexte dans lequel elle était plongée. Elle aurait pu devenir folle, mais complètement folle. Elle aurait pu devenir alcoolique ou droguée ou ficher sa vie en l'air. Elle aurait pu devenir une gouroute, croire à ce que son père racontait et se penser l'héritière de je ne sais quoi. Au lieu de ça, elle est thérapeute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tiré le meilleur du pire. Je ne sais pas, moi je pense que c'est une héroïne. Je pense que c'est pas si courant. L'emprise, aujourd'hui, l'enfant derrière la grille. Par Lenora Krief et François Teste. L'enfance de Maud Julien ressemble à un des contes les plus sombres des frères Grimm. Adorable petite fille blonde aux yeux bleus, elle a grandi cloîtrée et séquestrée par ses parents dans une sorte de château entre Lille et Dunkerque. Son père, Louis Didier, celui qu'elle appelle l'ogre, voulait faire d'elle un être supérieur. Ce projet d'enfermement remonte bien avant la naissance de Maud Julien. Cet ex-chef d'entreprise et franc-maçon avait 34 ans lorsqu'il propose à un mineur sans le sou de lui confier sa dernière née, Jeannine, et de lui offrir une vie confortable. Louis Didier tient sa promesse, Jeannine est mise en pension et reçoit une excellente éducation. Une fois Jeannine devenue femme, Louis Didier lui révèle son projet, sa mission, lui donner un enfant, aussi blonde qu'elle puisse, puis en assurer l'éducation. Lui se chargerait de l'entraîner physiquement et mentalement. 22 ans après avoir pris possession de Jeannine, Louis Didier, alors âgé de 58 ans, décide que le moment est venu pour elle de mettre au monde sa fille et que cette naissance aurait lieu le 23 novembre 1957. C'est alors qu'il se consacre exclusivement à la réalisation de ce projet. Le projet de mon père était de créer, j'appellerais ça, un super-être afin de défier les forces noires. En fait, mon père faisait partie d'un groupe vraiment très particulier de francs-maçons qui était beaucoup plus tourné vers l'occultisme. On ne retrouve pas ça normalement dans la franc-maçonnerie, qui croyait qu'il y avait une bataille pour le contrôle de l'univers entre les forces de la lumière et les forces sombres. Et donc, le projet de mon père était de créer un super-humain qui serait capable de défier les forces du mal. Et ce super-humain, c'était vous ? Le super-humain, c'était moi. Donc, ça devait être une fille, blonde, aux yeux très clairs. Je pense que le choix de ma mère, qui est très, très, très, très blonde, avec des yeux excessivement clairs, n'y était pas pour rien non plus. Et donc, c'était cette demi-déesse devait correspondre à ce critère-là. Jusqu'à l'âge de 19 ans, vous avez grandi cloîtrée dans une sorte de château près de Dunkerque. À quoi ressemblait cette demeure ? Alors, je vais vous donner ma vision, mais qui peut-être, pour moi, c'est la vision de l'horreur, c'est la maison de l'horreur. C'est une grande bâtisse. Mon père l'avait choisie notamment qu'elle soit le long de la route nationale, parce que mon père disait une maison cachée au fond des bois intrigue les curieux, une maison au bord d'une route nationale, personne n'y fait attention, ce qui est assez juste. Et vous n'aviez aucun contact avec l'extérieur ? Alors, nous avons vécu dans cet endroit qui était donc, si je le décrivais aussi également, sous verrou, grille. Et pendant toutes ces nombreuses années où nous avons vécu dans ce château, nous ne sommes quasiment ni sortis et quasiment, enfin, ou très peu de personnes pouvaient entrer dans cette maison, puisque le but de mon père était de nous isoler afin que je puisse subir l'entraînement qu'il avait prévu de me faire subir, et parce que selon lui, son enseignement serait pollué par l'extérieur. Maud Julien, votre père vous entraînait dans l'attente d'une terrible épreuve où vous seriez amené à révéler votre supériorité. Et dans ce but, il vous obligeait à respecter un emploi du temps très strict. Oui, parce que pour mon père, le monde était divisé en deux. D'un côté, les faibles et les fainéants. Et de l'autre côté, les forts qui peuvent rejoindre les esprits supérieurs. Donc, les forts n'ont pas besoin de dormir. Donc, et chaque chose était minutée, même le temps pour aller aux toilettes, hein, tout était minuté, mais qui est une pratique du prédateur pour mettre sa victime sous emprise. Et dans l'univers de votre père, il y avait aussi d'un côté l'esprit et de l'autre la matière. Il fallait sauver l'esprit de la matière. Voilà. L'esprit, c'est tout ce qui est les êtres supérieurs. La matière, il faut l'entendre au sens matérialiste, mais pas seulement. Par exemple, le corps fait partie de la matière. Les sentiments font partie de la matière. C'est pour ça qu'il était les larmes, la joie, le chagrin, le rire. Tout cela était défendu parce que faisait partie de la matière. Seul l'esprit, et pour lui, l'humanité était en train de tomber dans la matière, et donc il fallait à tout prix sauver l'esprit qui risquait d'être envahi par la matière. Faisait endurer des épreuves dignes d'un entraînement militaire. Parmi les exercices dits de discipline, il y avait cet exercice d'impassibilité terrible. Il y avait d'un côté les exercices d'impassibilité, où je devais être sous son regard et rester parfois des heures sans bouger un sourcil, sans avoir le nez qui vous gratouille. Vous pouvez pas imaginer ce que ça vous gratouille à ce moment-là. Et avec interdiction formelle de bouger. Ça, c'était les exercices d'impassibilité. Et parmi les autres exercices, il y avait des exercices, puisque après, à chaque âge, de nouveaux exercices commençaient, et à partir de l'âge de 6 ans, il y a eu l'exercice qui revenait une nuit par mois de la méditation sur la mort. À ce moment-là, donc, je devais descendre à la cave. J'étais assise sur un tabouret, puisque les faibles s'assoient sur des chaises où on peut s'appuyer, les forts sur des tabourets. Et il était interdit, strictement interdit de bouger. Et pour être sûr que je ne bouge pas, je portais un gilet avec des clochettes dessus, qui fait que si je bougeais, les clochettes tintaient, que dans ce cas-là, mon père du haut pouvait m'entendre. Et donc, j'étais juste une boule de terreur, parce que j'entendais, puisque bien sûr, il y avait des rats dans cette cave, j'entendais les rats grouiller. Et ça m'a valu des cauchemars pendant encore bien des années. Et en plus, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire par ces méditations sur la mort. Je peux vous dire, je passais juste les nuits terrorisées par le bruit des rats. Et l'alcool aussi est devenu un élément essentiel de votre entraînement à la volonté. Il y avait notamment cet exercice qu'il nommait « alcool et volonté ». Oui, mon père partait aussi d'un autre principe, c'est que pour faire parler quelqu'un, il faut le faire boire. Mais donc, dans ce cas-là, on doit être capable de boire. Ou si quelqu'un veut vous manipuler, les mots qu'il employait, il faut être capable de résister à l'alcool pour que l'autre puisse pas vous manipuler par l'alcool. Donc là aussi, depuis mon très jeune âge, il me faisait boire des quantités importantes de whisky, de cognac. Ensuite, il dessinait un trait blanc sur le sol. Et après, on avait une bande blanche qui était dessinée, peinte sur le sol. Et je devais marcher droit sur cette bande blanche pour prouver que mon esprit était plus fort que les effets de l'alcool. Et c'était pas le seul exercice, hein. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi l'abattage des veaux, alors que vous adorez les animaux. Votre père vous obligeait à assister à l'abattage des veaux par le boucher. Et voilà, et c'était d'autant plus sadique parce que vous aviez cette mission d'apaiser les veaux avant qu'ils soient abattus. Bien entendu, comme nous ne sortions pas, nous faisions notre pain nous-mêmes, nous mangions. Et en fait, mon père faisait livrer deux fois par an des animaux, hein, un bœuf, un cochon, deux moutons, un veau. Et ces animaux étaient abattus sur place et ma mère et moi devions ensuite les découper, parce que ça, c'était aussi une autre souffrance. Je devais assister, dans le cadre de ma formation, à l'abattage des animaux, donc notamment l'égorgement des cochons, où rien qu'en vous parlant, j'entends toujours le cri des cochons. Et un veau, pouvoir avoir sa viande, pour qu'elle soit bonne, ne doit pas être stressée. Et donc, ma mission à moi était d'apaiser le veau pour qu'il soit au moment d'être tué. Et je pense que peut-être dans tous les exercices, c'est celui qui était, parce que j'avais vraiment l'impression moi-même d'être le criminel, de trahir, et ça m'a valu de longues années de thérapie. Votre père, en plus, utilisait cette affection que vous aviez pour les animaux, il en était bien conscient. Donc il savait que c'était très difficile pour vous. Ça faisait partie de l'entraînement, ça n'allait même pas jusqu'à là. Il y avait beaucoup de violence dans ce qu'enseignait mon père, mais attention, ça n'excuse rien quand je dis ça, mais il n'était pas sadique. Ça se relèverait plus du sadisme. S'il y avait du sadisme, ça voudrait dire « je pense qu'elle pourrait ressentir ça ». On n'en est même pas là. Je veux dire, ça faisait partie de l'entraînement, point. Ursula Gauthier, journaliste au Nouvel Obs et co-auteur avec Maud Julien de l'ouvrage « Derrière la grille » paru en 2014. C'est-à-dire c'est une histoire tellement inattendue, tellement exceptionnelle que j'imaginais d'emblée que le lecteur pouvait se demander mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que d'où ça sort ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas un peu enjolivé ? Est-ce que c'est pas une façon de romancer une histoire ? Donc, moi, je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute vis-à-vis de Maud. Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle est d'une honnêteté foncière. Mais je me disais que le lecteur, et à commencer par l'éditeur, pouvait se poser la question. Et donc, j'ai vu aussi ma fonction avec elle, à côté de l'aide strictement d'écriture, comme une fonction d'enquête aussi, et de justification, et presque de légitimation de ce qu'elle pouvait dire. Parce que finalement, Maud, elle était pleine d'anecdotes, souvent terribles d'ailleurs, sur sa vie, mais elle n'avait pas réfléchi. Qu'est-ce qui avait été le moteur de Louis Didier ? Et donc j'ai fait une espèce de plongée absolument incroyable, j'ai été épluchée des dizaines de sites sur les francs-maçons, la franc-maçonnerie, et ces tendances un peu particulières, un peu mystiques, un peu occultistes, etc. J'ai fini par trouver des traces de lui, précisément dans des forums, mais vraiment, c'est pas facile à trouver. Et j'ai retrouvé des noms de personnes qu'il avait connues, mais tout le monde était mort, tout le monde est mort. Et en cherchant bien, en fait, on trouve effectivement dans la maçonnerie certaines tendances qui sont minoritaires en France, il faut le dire, mais pas ailleurs, hein, pas dans d'autres pays, qui sont des tendances occultistes, très mystiques, et tout ça est compris à travers une vision extrêmement noire de l'univers. À 8 ans, votre père, Louis Didier, vous donnait à lire Le Capital de Marx, La République de Platon, puis à 10 ans, c'était Nietzsche, et vous trembliez à l'idée qu'il découvre que vous n'y compreniez rien. Ça, c'est aussi le problème de la victime d'emprise, c'est à qui on donne des... Alors, je vous dis ça avec mes mots d'adulte aujourd'hui, hein, parce qu'effectivement, tout ça a été un espèce de brouhaha dans ma tête où je ne comprenais même pas les mots les uns derrière les autres. Et c'était effectivement une terreur au ventre. Mais je pense que j'ai passé toutes ces années en étant juste une boule de terreur. Donc votre père vous faisait vivre toutes ces épreuves dans l'attente, donc justement d'une épreuve où vous seriez amené à subir ces entraînements, ces tortures, et où vous pourriez révéler votre supériorité. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au fond de lui-même, il y croyait ? Ah ça, j'en suis complètement convaincue. Mon père croyait complètement à son, ce que je vais appeler aujourd'hui à son délire. Je pense que dans son idée de me rendre plus forte, il était sincère. Et encore une fois, quand je dis ça, attention, ce n'est pas ni lui chercher des excuses, ni rien, mais il faut remettre les choses à leur vraie place. Sincèrement, je ne pense pas que le matin, il se levait en disant « comment je vais lui faire du mal ?» Chaque matin, il se levait « comment je vais la rendre plus forte ?» Ce n'est pas du tout la même pathologie. Les gens se rendaient bien compte que c'était pas normal, quoi, cette petite fille qui ne sortait jamais et qu'on apercevait parfois derrière les grilles, cette petite fille blonde, mais qu'elle ne sortait jamais, qu'elle n'allait pas à l'école, qu'on l'avait jamais vue en ville, elle n'avait pas été voir un médecin. Enfin, mais en même temps, pourquoi se mêler de la vie d'autrui ? C'est pas des criminels a priori, donc voilà. Au bénéfice de l'ignorance, je dirais, les gens ne réagissent pas. Et d'autant plus, je dirais que c'est le cas de Maud. Le père était un personnage assez puissant, riche. Il avait la plus belle maison du village. On n'ose pas interférer dans la vie des gens puissants. Et pourtant, voilà, ce n'est que comme ça qu'on peut quelquefois éviter des drames. Alors, on a parlé de vous, de votre père, mais il y avait aussi votre mère. Et votre mère, elle, était assez agressive envers vous. Vous souffriez beaucoup de son manque d'empathie, de protection. Et votre mère était en fait la première victime de votre père. Oui, bien sûr. Ma mère était la première victime, puisque depuis l'âge de 6 ans. Et comme elle était de toute façon incapable de se protéger elle-même, donc elle ne pouvait pas me protéger moi. Alors, c'est une des choses qui m'a fait vraiment le plus souffrir. Alors, même si aujourd'hui, je peux comprendre l'attitude qu'elle avait d'un point de vue du thérapeute, mais même aujourd'hui, la petite fille qui est en moi, elle reste fortement blessée de ça. Et en même temps, parce que mon père disait de ma mère qu'elle était la boîte qui avait porté le joyau. C'est horrible, enfin, je veux dire, c'est absolument épouvantable. Donc, j'étais pour elle la cause de tous ces malheurs. Si le projet de me faire naître n'avait pas existé, ma mère aurait une vie tranquille. Donc, elle ne pouvait que me haïr. Elle haïssait tout ce que je représentais. Et c'était elle qui était chargée de votre enseignement ? Comment se passait justement cet apprentissage avec elle ? De façon épouvantable. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on a fait des études, surtout dans les conditions dont ma mère a dû les faire, qui ne devaient pas être non plus sereines. Et c'est pas parce qu'on a suivi des cours qu'on est capable d'enseigner. Et donc je pense que ma mère elle-même, devant être mise face à cette impuissance de m'enseigner, devenait très violente. Et elle ne prenait donc jamais votre défense devant votre père ? Ma mère était terrorisée. Ma mère elle-même était terrorisée. Elle n'avait même pas le droit de l'appeler par son prénom. Elle devait le vouvoyer. Donc c'était Monsieur Didier, vous. Et si elle disait un mot trop, c'était « Tais-toi, va dans ta chambre ». Elle était totalement terrorisée. Ursula Gauthier, dans le cadre de cette enquête pour l'ouvrage, vous avez rencontré la mère de Maud Julien. Oui, c'était très important pour moi d'aller la voir. Et j'ai rencontré une personne qui était assez consciente de ce qui s'était passé, mais je pense très impuissante, c'est-à-dire qu'elle ne... Encore aujourd'hui, elle a encore un peu peur de son mari, mais qu'il soit mort. Puisque lui ne meurt jamais, n'est-ce pas ? Dans l'idéologie qu'il a propagée autour de lui, il ne meurt jamais, il se réincarne. Et donc, son esprit est toujours là, quelque part. Et donc, il peut parfaitement punir les gens qui pourraient contrevenir à ses ordres ou révéler des choses qu'il aurait dites. Donc, je pense qu'elle est encore très, très... à un degré très important sous influence. Elle n'a pas nié les faits ? Alors, elle ne connaissait pas tous les faits qu'on allait mettre dans le livre. Je crois qu'elle ne devinait pas à quel point les souvenirs de Maud étaient précis. Elle était aussi très anxieuse de ne pas apparaître comme responsable de ces choses-là. Mais elle m'a confirmé qu'elle était le type de personnalité, le type de croyance de Louis Didier. Et elle m'a confirmé aussi l'enfermement, enfin, toute cette exigence extrême qu'il avait mise. Elle a confirmé tout cela. Alors, on va parler maintenant de vos moyens de survie, parce qu'il y en avait. Très jeune, vous avez développé une très forte affection pour les animaux. Linda a été votre premier amour. Oui, Linda, qui était donc un berger allemand. Et je pense sincèrement que sans les animaux, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Ce sont les animaux comme Linda. Linda, notamment, elle m'a appris ce qu'était l'amour, m'a appris ce qu'était la compassion, m'a appris le contact physique, le regard. Je pense qu'un enfant qui n'est pas touché, enfin, on le sait, c'est prouvé, et qu'on ne regarde pas, et le regard d'amour de Linda est toujours en moi. Aujourd'hui encore, j'aime Linda comme on peut aimer une mère, comme on peut aimer, enfin, comme quelqu'un me raconte qu'il aime une mère. C'est parce qu'il y a de la complicité dans le regard, il y a de rien qu'en vous en parlant, je sens encore tout l'amour partout. Parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas vivre sans amour, qu'on ne peut pas vivre sans prendre soin de l'autre. Le fait aussi de m'inquiéter pour elle, je sentais qu'elle s'inquiétait pour moi. Et ça m'a sauvé la vie. Un de vos autres grands remèdes était la lecture. Vous vous êtes complètement identifié à Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo. Vous adoriez aussi le personnage de Rodolphe dans Les Mystères de Paris, de Eugène Sue. Toutes ces lectures, en fait, ces romans vous ont enchanté et vous dialoguiez en fait avec ces personnages. Mon père voulait me faire lire des livres difficiles. Alors, bon, heureusement, il aimait Le Comte de Monte Cristo. Lui, il n'avait certainement pas lu de la même façon que moi, parce qu'il voulait me prouver que le monde extérieur était cauchemardesque. Donc, fallait lire Dostoïevski, il fallait lire Dickens. Et en fait, en lisant ces livres ont ouvert d'autres fenêtres dans mon cerveau sur d'autres mondes que je trouvais tellement fascinant. Et en fait, les personnages des livres sont devenus mes amis d'enfance, avec qui je dialoguais, avec qui... Et surtout, ces amis d'enfance m'ont donné l'envie, le désir d'aller parcourir ce monde. Parce que bien sûr, je voyais bien qu'il y avait des souffrances, mais c'était des souffrances avec des émotions. Et ce monde rempli d'émotions, ça donnait envie d'aller les vivre. Donc, ils ont eu, ces livres ont eu l'effet complètement opposé à ce que mon père voulait. Et puis aussi, grâce, et notamment à Edmond Dantès, c'est la première fois que je lisais dans des mots, quand il se retrouve enfermé, je pouvais lire dans des mots ce que je n'arrivais même pas à me formuler dans ma tête, mais qui était tellement ce que je ressentais. Et ça a été une des premières fois où j'ai pensé que peut-être je n'étais pas la malade mentale, parce que mon père disait m'enfermer parce que le monde dehors était l'enfer et que je vais subir des entraînements. Ma mère me disait que j'étais enfermée parce que j'étais une malade mentale. Et donc, grâce à Edmond Dantès, j'ai commencé à penser que peut-être je n'étais pas une malade mentale. Peut-être. Et vous ne vous demandiez pas aussi pourquoi certains de ces personnages étaient libres, circulaient dans l'espace et pas vous ? Le problème de l'emprise, c'est qu'il y a plein de questions que vous ne vous posez pas. C'est pour ça que je prends toujours cette image d'un entonnoir dans lequel on glisse. Et tant qu'on est dans la partie étroite de l'entonnoir, ben malheureusement, on ne se pose pas des questions. On n'a pas, comme je dis, d'esprit de contradiction. Et donc, un des premiers objectifs est de remonter sur la partie haute de l'entonnoir pour commencer à regarder le monde de l'extérieur. Parce qu'effectivement, plein de choses. Il y a des premières interrogations. C'est déjà le simple fait de penser qu'un autre monde comme ça puisse exister est déjà un énorme pas. En lisant votre histoire, le lecteur commence à respirer et ressentir un vrai soulagement à partir du moment où vous avez commencé à avoir des doutes sur les pouvoirs de votre père. Et il y a un événement précis qui a commencé à vous en faire douter. L'événement du tapis. Donc mon père, c'est je sais tout, je vois tout. Et un jour, qui aurait pu de commencer par un moment de complicité avec ma mère, mais qui malheureusement après s'est arrêté en route, nous avons décidé de peut-être déplacer un tapis qui était très lourd. Nous avons eu beaucoup de mal à déplacer ce tapis. Inutile de dire que dès que nous l'avions déplacé, l'une comme l'autre était absolument terrorisée de ce qu'allait dire mon père. Et donc, un soir, deux soirs, trois soirs, pendant près de trois semaines, mon père n'a rien vu. Et donc, à ce moment-là, il y a eu justement une petite brèche, un doute. Ce doute qui m'a permis d'avoir un peu d'oxygène dans ma pensée. Et donc, mon père qui me répétait, si tu mens, je le saurai immédiatement, je serai mort dès le lendemain matin, j'ai commencé par faire des petits mensonges, des tout petits, pour voir ce qui se passait. En fait, il ne se passait absolument rien. Et là, j'ai commencé à pouvoir libérer dans ma tête du fait que, l'intrusion de mon père n'y était pas, puisqu'il ne le savait pas. Et cette période où vous commencez à lui désobéir par tous ces petits mensonges, elle a été aussi très éprouvante pour vous. Oui, parce que le carcan mental dans lequel j'étais se fissurait. Tant mieux, mais en même temps, c'est hyper angoissant. Parce que quitter un carcan mental, mais pour aller où ? Donc, même au niveau de la pensée, pour aller où et en faire quoi ? Moi, je trouve qu'il y a une leçon extraordinaire dans son histoire. C'est que cette petite fille qui, a priori, n'avait aucune ressource, qui était très faible, isolée, pas très courageuse, pas très, elle pensait qu'elle avait pas beaucoup, elle aurait dû résister plus fort, elle n'avait pas cette volonté, elle n'avait pas cette capacité, elle n'avait pas, elle était terrorisée, constamment terrorisée, vivait dans la terreur. Eh bien, cette petite fille est en réalité un modèle de survivance, de survivante. Et ça, Maud ne s'en rendait pas compte. Et c'est en racontant cette histoire qu'elle s'est rendue compte, petit à petit, que oui. Avec ses moyens très pauvres, elle avait d'une certaine façon posé ce qu'il faut pour survivre. C'est comme ça que vous la voyez, comme une survivante ? Ah oui, bien sûr, c'est une extraordinaire survivante. C'est quelqu'un qui a traversé le feu et qui est ressorti avec des blessures, bien sûr, des brûlures. Mais le fond est resté intègre. C'était L'Emprise, un enfant derrière la grille, avec Maud Julien et Ursula Gauthier. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Lénora Krief et François Test. C'est la fin du premier épisode. Je vous retrouve demain pour la suite de l'histoire de Maud. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.